Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop, aujourd'hui une comédie américaine. Lisa ne vivait que pour sa passion du sport et du softball, mais sa soudaine exclusion de son club la laisse complètement désemparée. C'est alors qu'elle fait la connaissance de Matty, un joueur de baseball professionnel, séducteur invétéré, plutôt nombriliste. Si au milieu de la nuit, je pleure, je veux pas que tu me demandes ce qui me prend. Est-ce que ça irait pour toi ? À vrai dire, c'est ce que je préfère. Je ne suis pas sûre d'avoir ce qui est requis pour mener à bien le plan standard. C'est pas une bague. C'est pas la peine de prendre cet air de soulagement. Comment savoir qu'on a des ennuis ? Mon garçon, tu vas être mis en examen. Je n'ai rien fait de mal. Ça pourra peut-être jouer en ta faveur. Comment savoir qu'on est dans le déni ? On est monogames tous les deux. Pour l'essentiel. Ça veut dire quoi, pour l'essentiel ? Bon, allez, on va en parler. Comment savoir qu'on a de la chance ? Georges ? Comment allez-vous ? Je crois que je viens de rencontrer une fille géniale. Un bonheur ! Dieu existe, alors ! Quel genre de problème tu as, Georges ? En ce moment, je suis chômeur. Il me restera bientôt plus d'argent et je fais l'objet d'une enquête du ministère de la Justice. T'es un vrai piège à nana, toi. Comment savoir ? J'ai noté un truc que je voulais te dire, mais je suis devenu cinglé quand tu es parti. J'ai pété une lampe. Lis-moi ce que t'as écrit. Bah, c'est ça que j'ai écrit. Comment savoir ? Avec Reese Witherspoon, Paul Rudd et Owen Wilson. Un DVD Sony SPHE.